PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou International. J'espère que vous soyez à l'aise et que vous soyez prêtes pour découvrir une nouvelle dimension de la culture pokajoutienne. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir l'un des aliments les plus importants de Pokajou. Et il n'y a rien de plus basique que le pain. Le papak, ou le pain pokajoutien, est un pain à fermenter, mais avec un tel niveau de bactéries et de fermentation que certaines personnes le considèrent plus qu'un pain, un être vivant que l'on vénère et que l'on maintient, on nourrit. En fait, jusqu'à aujourd'hui, peu de pokajoutiens partaient en vacances ailleurs parce que vraiment très peu de monde a eu le courage de laisser leur préparation de pain toute seule. Et cela, c'est parce qu'au moment où les gens s'en occupent pas, cette pâte risque de mourir. Il faut bien sûr la nourrir et faire beaucoup d'attention. Mais récemment, Monsieur Hikar Suki, un technicien qui a développé la première console de jeu pokajoutienne, a créé un appareil qui permet de s'absenter de chez soi et de pouvoir s'occuper de la pâte à pain à distance. Pour que ceux qui nous entendent ailleurs puissent comprendre l'importance de cette invention, on a voulu commencer avec Café con pain, une chanson consacrée au petit déjeuner avec ce délicieux pain qu'on appelle à Pokajou papak. Thank you. Je suis Melissa Suarez del Real, on est de retour à la radio Pocajou International. Aujourd'hui, on s'intéresse pour le pain pocajoutien, ou le papac, comme on le connaît dans notre île. Ce pain est fabriqué à base d'une pâte qui mélange du riz, chair de coco et de goût de vanille, en quantité différente selon chaque fabricant, famille ou chef de cuisine. Et c'est justement là que se trouve la particularité la plus importante de ce pain et aussi l'attachement que les pocajoutiens ont pour cet aliment. En fait, chaque famille concocte sa propre formule pour le pain selon les goûts et envies de leurs membres. L'ensemble d'ingrédients donne comme résultat une pâte lisse, parfumée et de texture très très souple, on dirait même élastique. Cette pâte, grâce au grand nombre de bactéries présentes, peut aussi changer sa taille. Normalement, chaque famille garde chez soi soigneusement une portion de papac, le nom du pain mais aussi de cette pâte. Le papac est dans la plupart des cas une culture centenaire qui a été transmise des parents à enfants pendant des générations. Quand un mariage a lieu, les parents offrent aux mariés un morceau du papac et les mariés les mélangent pendant la cérémonie de papiacam où le couple pétrit ensemble les pâtes revenant de chaque famille et crée ainsi avec leurs propres mains leur papac de leur foyer. Puisqu'il s'agit d'une pâte fermentée et donc vivante, il faut bien nourrir cette pâte avec les trois ingrédients. L'enfant aîné d'une famille est normalement le chargé d'effectuer cette tâche. Mais toujours sous la vigilance des parents, bien sûr, parce que le papac est quelque chose de presque sacré. De cette façon, les enfants apprennent à s'occuper d'un être vivant que, un jour, va les accompagner à leur nouveau foyer. Pour préparer la pâte, il est nécessaire de diviser le papac en deux. La première partie doit être pétrie à un rythme constant pendant 15 minutes et après, elle est prête pour être mise au four. La façon rythmique de jouer avec la pâte est très importante et il y a pas mal de chansons qui ont été créées avec un rythme qui marque justement la façon dont on devrait pétrir cette pâte. Un bon exemple des chansons contemporaines qui reprend le rythme du papac, le rythme de pétrissage du papac, c'est Hey Mami, une chanson qui en fait fait appel aux mères, les anciennes préparatrices de cette pâte. C'est une chanson de Sylvain Esso, on va l'entendre, et faites attention surtout au rythme parce que c'est comme ça qu'il faut frapper la pâte pour pouvoir la cuisiner. She walks so fast, oh lady, she don't know how she goes. She walks so fast, she walks so fast, she walks like a fairy. Image lasts and I know she floats so long as she goes. She owns the eyes as she flies by through the sound, moving her body all around town. Hey mommy, hey mommy, I know you want, I know you want, I know what you want. Sooner or later the dudes at bodegas will hold their lips and own this shit, coming to terms on a shivery tip. But I hear her, she don't know the gravity she holds as she pulls on the eyeballs of all the kids standing tall. She walks so fast, she walks so fast, she walks so fast. Oh, a lady, she don't know how she goes. She walks so fast, she walks so fast, she walks like a baby. Look at that ass, and I know she floats along as she goes. She owns her eyes as she flies by through the sound, moving her body all around town. Hey, mommy, hey, mommy, I know you are. I know you are, I know you are. Sooner or later the dudes a the bodegas are all their lips and on the ship. Coming to terms on a shivery tip. But I hear her, she don't know the gravity she holds. So she pulls on the eyeballs of all the kids standing tall. Hey, mom, you know where you are, mom. Hey, mom, you know where you are, mom. Hey, mom, you know where you are, mom. Hey, mom, you know where you are, mom. Hey, mom, you know where you are, mom. Hey, mom, you know where you are, mom. Hey, mom, you know where you are, mom. Hey, mom, you know where you are, mom. Hey, mom, you know where you are, mom. On est de retour à la Radio Pocajo International. On a parlé tout à l'heure de la façon de préparer le papak, le pain pocajoutien. On a raconté justement comment on partage la pâte en deux. Une partie est pétrie à un rythme constant pendant 15 minutes. Et après, elle est prête pour être mise au four. Mais cette deuxième partie qui nous reste doit être nourrie parce qu'il est important que le lendemain, il y ait de nouveau la même quantité de pâte. Et c'est là justement le moment où l'on ajoute la farine de riz, la chair, le lait de coco et le gousse de vanille dans les doses souhaitées. Chaque famille, bien sûr, a sa propre recette et sa propre préparation. Après 15 minutes de cuisson à feu doux suffiront pour que les petits pains soient prêts. Leur goût légèrement salé, parfumé et sa texture tendre permet qu'ils soient un aliment de base. Il est possible de les farcir avec des noix, de la viande, des légumes et même avec des fruits pour un repas d'anniversaire. Cette texture souple permet également de les utiliser comme un récipient pour déplacer le repas du jour jusqu'au poste du travail. Si on farcit la pâte et après on la met au four, le pain peut bien supporter à l'intérieur un repas entier, même s'il contient de la sauce ou de l'huile. C'est pratiquement incassable. En tout cas, ce pain continue à être l'aliment le plus consommé à Pocajou. Il est d'ailleurs une source très importante de protéines, vitamines et minéraux. Et le gouvernement pocajoutien a justement décidé de lancer une chanson pour promouvoir la consommation de cet aliment. Ça s'appelle Do the Right Thing, ou Fais la chose la plus correcte, et d'un groupe qui s'appelle The Visionary. C'est une chanson qui a été créée, ça fait quelques mois, pour conseiller aux jeunes personnes de manger une quantité suffisante du papak ou de ce pain pocajoutien dont on vous a parlé tout à l'heure. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère pouvoir vous rencontrer dans la prochaine émission de Radio Pocajou International sur Campus FM. À bientôt. Do it all the time, do it all the time. Make yourself right, never mind them. Don't you know you're not the only one suffering? Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Make yourself right, never mind them. Don't you know you're not the only one suffering? Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Make yourself right, never mind them. Don't you know you're not the only one suffering? I see you up again, wandering so diligent. They crossing your T's as though it weren't irrelevant. They say formality, this is what they really meant. They could be the walk, we could be the pavement. Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Make yourself right, never mind them. Don't you know you're not the only one suffering? So what you're up against, all the disingenuous. They wave you along and say there's always room for us. But we know better than that to take them serious. Still don't let them make you bitter in the process. Radio Pocageau International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !